vendu un peu plus de disques que les musclés. Hein. Beaucoup plus de disques que les musclés. Mais tu l'attends. savez, en parlant de ça, il y a un groupe en Auvergne qui marche vachement bien. Et ils font que des reprises comme ça de Capitaine Tom. Non, non, le petit robot, etc. Jamais deux fois sur la même note. Ils gagnent du fric, eux. Jamais deux fois le même refrain. À vous. Ce que j'aime dans le jambon, ce sont les petits oignons. Quand c'est pas la saison, je mange des salsifis. Oh, les artichauts bretons, ça fait du bien aux billes. Ça aide à faire des petites chants, des jolis sons dans mon cale. L'ours qui pète et qui rote, jamais deux fois sur la même note. C'est un sacré prout en train. Jamais deux fois le même refrain. Sauf ici, bien sûr, mais là on est si bien. Oh, allez, les enfants, venez plus près de moi. Non, non, non, pas toi. Oui, toi. Bah, tant mieux, tu pues. Bourguignon et les concons. Oui. Bourguignon, vous dire rien, non? Bien. Klaxon poète poète. Bravo. Et gros crétin de dourson. Ah ça non. Qui pète et qui rote. Jamais deux fois sur la même note. Qu'est-ce qu'il pue? C'est un sacré prout en train. Jamais deux fois le même refrain. Mes enfants. Qui pète et qui rote. C'est un truc mieux. Jamais deux fois sur la même note. Pensez pas tout, moi je veux dire. C'est un sacré prout en train. Jamais deux fois le même refrain. Le refrain. Sale môme. Ta ta ta ta. Capitaine. C'est pas la bonne version, ça. Écoute ça. Écoutez le club Dorothée. Ça va vous plaire. Merde, je suis perdu là. Yeah. serait sympa qu'on la fasse celle-là. Capitaine Flamme, tu es. C'est la première fois que je joue. Regarde. C'est fou là. Je connais pas ça. Pas moquer des morts, moi, c'est pas possible. Faut pas se moquer des morts, ça porte malheur. Oh, mais que se passe-t-il? Avec des potes, on était toujours en train de faire ça. Dès qu'il y avait un bruit. Oh, mais que se passe-t-il? Je suis poursuivi par un méchant. Un méchant? Où est-il? Que se passe-t-il? Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Sir Conoïde, le turbo-animal venu de l'espace mammouth. Pourquoi me veut-il du mal? Parce que c'est un méchant. Nathalie. Mais pourquoi moi? Parce que t'es une gentille. Parce que t'es une gentille. Petit frère, vas-tu te taire? Bon, moi je voudrais faire écouter un truc là. Ah merde, il n'y a plus de morceaux.